bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 136.0. Cette semaine, quoi de neuf? Eh bien, je pensais qu'il n'y aurait rien de spécial. Eh bien, c'est faux. La musique m'inspire. Avec de la musique, il me semble que tout se transforme. J'écoutais de quoi de nouveau sur Netflix. Nouveau pour moi, je sais pas si c'est nouveau. The Guardian of Justice. C'est quoi? C'est une genre de série action avec animation dedans. Comme un film bande dessinée un peu. En fait, c'est une satire de la Ligue des Justiciers de DC Comics. Il y a comme des super-héros qui ressemblent à ceux de DC, style un Batman, un Superman, mais là, c'est pour Batman, c'est Nighthawk. Et c'est en écoutant ça que j'ai entendu Harry Mason avec sa chanson « Dim the Light ». J'ai trouvé vraiment ça bon. J'ai arrêté la série et tout de suite avec Shazam, on trouve le nom et on regarde ce que l'artiste a fait d'autre. Quoi d'autre? Eh bien, c'est arrivé. C'est enfin arrivé. Ce moment précieux de l'année est enfin arrivé. Et oui, au moment où j'écris ce texte, on est vendredi 25 août 2023. Et il se passe quoi demain? Qu'est-ce que j'ai à mon agenda le 26 août? Je vous donne un indice. Les tracteurs, c'était cool, il y avait plein de vieilles autos. Ouais. Et qu'est-ce que t'as vu? Oui. À qui t'as donné des chips maison, frère? Ouais, c'est ça. Ça, c'est une super belle histoire qui nous est arrivée. Pendant qu'on a reçu l'appel comme de quoi que le towing est arrivé, là, on s'est dirigé vers l'entrée pour aller l'intercepter. Là, moi, je marchais un peu en arrière, puis une madame a dit « Ah, oh, les beaux chips que j'ai commandés! » Fait que là, je suis allé vers elle pour lui en donner. Mais là, cette madame-là n'était pas seule, fait que je l'ai offert aux deux femmes qui étaient avec, et là... Ben oui, c'est des personnes comme les autres. Pas seule, fait que je l'ai offert aux deux femmes qui étaient avec, et là... Ben oui, c'est des personnes comme les autres. Tu me dolles, ça me déteint. Et oui, on vient d'entendre un souvenir du Lobster 122 de l'année passée. Et oui, demain, je m'en vais à Hinchinbrook, à la foire agricole. C'est devenu un rendez-vous annuel pour moi. Ça va être la troisième fois que j'y vais. La première fois que j'ai découvert ça, c'était en route pour aller aux États-Unis, car la foire est en plein milieu d'un champ à 10 km seulement des États-Unis. Donc j'étais tombé là-dessus par hasard la première fois. J'étais revenu avec un banc de tracteur en aluminium que j'avais acheté à l'encan. Et l'année passée, j'y suis retourné avec mon frère, et c'est là que j'ai nourri une personne de petite taille, une naine, et que depuis ce temps, ben, je fais carrément l'inverse d'une nanophobie. Je suis devenu un adorateur du monde des nains. Et cette année, mon frère devait venir avec toute sa famille, mais malheureusement, changement de plan, il est en pleine construction de son petit chalet sur la montagne au Saguenay. Il se construit un petit chalet derrière notre chalet familial. Il est rendu à monter ses murs et ne viendra donc pas à la chasse aux nains avec moi. Donc c'est ça, grâce à la magie de mon podcast, après la pause musicale, je vais être en mesure de vous raconter mon expérience. Je viens de sortir mon passeport, je me suis mis des chèques dans mon porte-monnaie, j'ai un peu d'argent cash et ma hache dans la voiture en cas de pépin ou si je vois des zombies. Je viens de voir dans Google Maps qu'il y a une fromagerie dans l'état de New York à 20 km de la foire. Donc demain, je vais peut-être essayer de m'y rendre. Je traverserai donc aux États-Unis par les champs. Je l'ai déjà fait, c'est pas comme passer à un poste frontière. Il y a beaucoup trop de petits chemins entre le Canada et les USA. Dans ce cas-ci, quand on passe par ces petits chemins-là, bien, c'est à nous de se rendre dans un petit bureau, un genre de mini-bureau qui ressemble à un bureau de poste. Puis c'est là qu'on doit dire qu'on est traversé. La première fois que je l'avais fait, ça fait quand même longtemps, j'avais même pas de passeport à ce moment-là. J'accompagnais mon beau-père de l'époque pour aller chercher une pièce, je pense, de tracteur, je crois. Je me souviens plus, mais le monsieur avec un gros chapeau avait été gentil et il me semble qu'on avait pu traverser sans problème pour faire notre aller-retour. Bref, vous allez savoir après la pause musicale, on verra bien ce que je vais faire demain. Donc c'est ça, le Lobster 136 débute comme ça, en plein début d'une aventure. Bring the beat back, I'm going somewhere tomorrow! To Bon, de retour! Et oui, la magie du podcast a fonctionné. Je suis de retour de mon petit voyage d'aventure. Tel que prévu, ce matin, je me suis réveillé tôt. À 7 heures, j'étais prêt et en route. Premier pit stop, eh bien, c'est chez McDonald's pour me prendre un saucisse McMuffin. Moi, bon, dès que je voyage, je me prends ce déjeuner chez McDonald's. Mais juste quand je voyage, j'ai pas le droit autrement. Du McDo, c'est mauvais pour la santé, donc j'en mange juste si je vais au Saguenay ou je me rends assez loin pour que ça compte comme un voyage. Mais là, ma journée a commencé très mal. Il n'avait plus de saucisses McMuffin chez McDonald's. Donc, je me suis remis en route et à la prochaine ville sur mon chemin, qui était Vaudreuil, je suis arrêté de nouveau chez McDonald's pour commander mon déjeuner et heureusement, il n'était pas en rupture de stock à ce McDonald's, donc la journée est repartie du bon bord. Malgré que, je dis que c'est reparti du bon bord, mais plus j'avançais, plus je voyais de moins en moins loin. Et ici, c'est pas un problème avec mes lunettes, j'en porte juste quand je lis ou pour l'ordi. Je vois mal de proche, mais en auto, j'en ai pas besoin, je vois très bien. Mais ce qui me masquait la vue, c'était la pluie. Au départ, c'était léger. Il y avait une légère brune. Pourtant, sur Météo Média, c'était bien écrit qu'il ne mouillerait pas à l'île Perrault. Mais plus je m'éloignais de mon île, et plus il mouillait. Et heureusement, au moment où il s'est mis à mouiller modérément, je me suis dit, ben au moins j'ai ma veste de pluie dans l'auto, car oui, j'avais prévu de l'amener. Donc, roule, broum, broum, et environ une heure plus tard, je suis arrivé sur le site à Inching Brooks, où, ben, en passant, le genre de décoration que la ville a trouvé à faire pour annoncer qu'on est bien dans leur ville, ben, c'est un genre de parterre dans lequel ils ont déposé une grosse gratte. Là, vous savez, le genre de gratte qu'on trouve devant les camions qui grattent la neige l'hiver? Eh bien, pour cette ville, ben, c'est ça leur décoration de ville. Ils ont une gratte peinte en noir et jaune où c'est écrit le nom de la ville, tout simplement. Bon, à mon avis, c'est pas top comme déco, mais je suis pas décorateur. Donc, avançons jusqu'à la foire où j'arrive vers 8h du matin. Donc, rendu à la foire, c'est 5$ pour entrer sur le site. Moi, je me suis marqué dans un champ de foin plus ou moins long. Et j'ai commencé par faire le tour des genres de marchés aux puces. Cette année, il y en avait beaucoup. Il y en avait tellement qu'en fait, il y en avait sur deux sites. Il y avait des gens qui vendaient leur cochonnerie autour du genre de lac sur le site. Puis il y en avait envoyé plus loin aussi dans un autre champ. Et sur le site, bon, évidemment, j'ai visité les marchés aux puces, mais au début, j'ai rien trouvé d'intéressant. Puis ensuite, j'ai visité les genres d'attractions. Parce que cette foire-là, c'est comme une association qui maintient ça. Puis sur le site, ben, il y a un magasin général qui est rempli comme à l'époque. Il y a une école, il y a une Black Church. Il y a plein de granges, puis tout ça, ben, c'est rempli avec les choses d'époque. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Puis chaque année, je me fais avoir en arrivant dans la genre de grange, là. Quand je tombe face à face avec le genre de veau à deux têtes qui est empaillé, ben, je trouve ça intéressant. Donc, je sais pas, il date de quand, là. C'est une genre d'erreur de la nature que quelqu'un a décidé de conserver puis de le faire empailler. Puis, il est conservé, là, dans cette grange-là. Bon. Au départ, je vous ai parlé de pluie. Bon. Moi, il était. Quand je suis arrivé, il mouillassait sur le site. Les gens qui vendaient des choses de marché aux puces, ben, ils étaient obligés de mettre des plastiques sur leurs affaires. Puis, une fois sur le site, genre vers 9h, vers 9h, après avoir fait un bout de mon tour, ben, ils ont annoncé que le tir au tracteur, ben, ça allait être mis au lendemain. Puis ça, c'est le genre de nouvelles, je dois vous le dire, qui me dérange pas trop. Bon, le site est bien sûr rempli de vieilles voitures, vieux tracteurs à pelouse, vieux tracteurs à grange, vieux tracteurs de toutes sortes. Mais pour moi qui connais pas trop ça, puis quand t'en as vu un, t'es tout vu. Eh bien, j'étais pas trop déçu quand ils ont dit que le tir de tracteur était remis au lendemain. Donc, moi, j'ai poursuivi mon chemin et je me suis dirigé comme prévu dans le champ où sont les tentes des encans Randall Finnegan. C'est comme le Graal des encans. Moi, j'ai toujours du fun aux encans de ce personnage. Donc, je me suis inscrit. Moi, j'avais le numéro 726. Pour ceux qui connaissent plus ou moins ça, eh bien, c'est simple. Pour s'inscrire, tu te présentes à la table là, des encans et tu leur montres ton permis de conduire, puis qu'ils prennent en note, puis là, ils te donnent un numéro pour miser. Puis quand tu as fini ou quand tu es tanné, ben, tu peux retourner payer tes achats si tu en as. C'est un paiement cash ou par chèque. Moi, personnellement, je paye toujours par chèque. Ça m'évite de devoir traîner de l'argent, car évidemment, on ne sait jamais combien ou qu'est-ce qu'on va acheter. Donc, c'est ça. Je me suis inscrit et ensuite, je me suis placé, comme les autres, autour de la table des encans. Et c'est parti! Comme le beau temps semblait vouloir se pointer, en fait, le soleil était revenu, puis en tout cas, il mouillait plus. Eh bien, l'encan se tenait à l'extérieur. Donc, l'équipe du monsieur sympathique, il sortait l'équipe. Il sortait les choses sur une table dehors, il nous les présentait et il les vendait comme ça à main levée. Ça allait quand même assez vite. Bien sûr, moi, j'avais fait le tour des tentes avant. J'avais surtout visité la tente pour des choses qu'ils vendaient le samedi pour voir ce qu'il y avait à vendre durant la journée et me faire une idée et voir les choses qui attiraient mon attention. Et, bon, le premier article sur lequel j'ai pu mettre la main, eh bien, c'est un ramassis de cochonneries, sauf un article. Eh bien, dans les encans comme ça, dans les encans là, qui sont dehors là, avec, ou qui vendent sous la tente, eh bien, ils doivent tout vendre, en fait. Donc, si un item n'intéresse personne, ben le truc qu'ils ont trouvé, c'est qu'il fait partie du lot suivant. Donc, à un moment donné, ils ont mis des tableaux en vente. C'est des tableaux pas très beaux. Et puis, ça intéressait évidemment personne. Donc, ça se vendait pas. Puis, comme c'était quand même une journée qui annonçait pluvieuse à Hinching Brooks, ben il y avait quand même pas beaucoup de gens. Donc, dans ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de gens pour miser. Je dois vous dire, on était environ 75 gros maximum. Donc, à un moment donné, il y a un ou deux lots de tableaux qui ne se sont pas vendus. Et évidemment, ça s'accumulait. Une toile s'est pas vendue, OK, on la joint avec une deuxième se vend pas, on ajoute une troisième. Et là, moi, ce que je voulais est arrivé, c'était une jolie petite toile dans un beau cadre, un beau paysage à l'huile. Puis comme les tableaux d'avant, ben, c'était pas vendu, ma petite toile était rendue dans le lot de cochonneries. Bon. Puis comme je me suis dit, comme les lots avant ne se vendent pas, ben j'ai attendu avant de miser parce qu'évidemment, lui, il veut vendre le plus haut possible. Il part toujours les prix un peu plus haut que les choses valent, juste pour tester, voir s'il y a quelqu'un qui va dire oui tout de suite. Puis évidemment, quand ça se vend pas, ben il est obligé de descendre. Pour lui, c'est plate quand il est obligé de descendre. Là. Mais là, ça faisait deux lots qui partaient quand même à un prix raisonnable, mais qui était obligé de descendre, puis finalement d'annuler la vente. Donc, pour le lot avec toutes les cochonneries puis ma toile, il est parti ça à 15$. Puis il n'y a personne qui a parlé. Donc, le monsieur est descendu à 10, ensuite à 8. C'était comme un encan inversé. Bon, pour lui, comme je vous dis, c'est plate. Lui, il voulait juste que les tableaux sacrent le camp pour passer à d'autres choses. Finalement, 5$. Mais là, je me suis dit, ben, je vais attendre encore un coup. Finalement, quand le prix est tombé à 2$, et là, bien, j'ai levé la main avec mon numéro, puis j'ai immédiatement, le vendeur a crié « Vendu! » Il a même pas attendu. Il était trop content de se débarrasser de ses cochonneries. Donc, je me suis ramassé avec six toiles. Bon, bien sûr, il y avait celle que je voulais. 2$ de payer pour ça, pour moi, c'était raisonnable. C'est une toile à l'huile qui est signée Black Door. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de connu, je pense pas, là. Moi, je l'ai déjà accroché dans mon garage. Ça montre un joli paysage avec une fille ou deux dans un champ. Mais le reste de ce que j'ai eu dans mon lot, ben c'était des cochonneries. Bon. Et dans les enquêtes comme ça, ils te donnent les choses tout de suite. T'es pogné avec. Mais heureusement, moi, j'étais comme debout à côté d'une grosse poubelle bleue. Et le premier tableau qui était sur ma pile, ben, je l'ai sacré direct dans la poubelle. Ce qui a fait quand même sourire le monde. Là. C'était un genre de cadre qui montrait des corvettes rouges. Là. C'est le genre d'affaires qu'on gagne à Beauce Carnaval. Là. Vraiment pas beau. Là. Mais sinon, les quatre autres toiles que je voulais pas, qui sont LED, bon, je vous le confirme, elles sont dans des beaux cadres. Donc, je les ai gardées. En arrivant chez nous, tantôt, ben, j'ai retiré les toiles, puis je suis allé serrer les cadres là, dans mon cabanon. Je fais ça à chaque fois que je ramasse des cadres dans un encan. J'accumule les cadres, puis quand moi j'en ai besoin, ben, ça me coûte rien. Là, en ce moment, je dois en avoir une dizaine là, dans mon cabanon. Bon, fin des toiles, bon, c'est quand même juste 2$ de dépenser à l'encan. Donc, l'encan continue et arrive de quoi que je trouve pratique et que je trouve quand même beau. C'est 4 chaises pliantes en bois recouvertes de cuir rouge qui ressemble à de la peau de crocodile. Et ça vient avec une jolie table pliante, elle aussi recouverte de cuir de chameau. Bon, c'est de quoi qui a l'air quand même assez ancien, c'est super bien fait. Puis comme j'étais juste en face quand ils l'ont apporté, puis que je ne l'avais pas vu d'entendre, ben j'ai pris le temps de vérifier. Puis il y avait une madame à côté de moi, ben un peu plus loin, qui s'est approchée aussi. Elle, c'est une acheteuse régulière, là, puis est venue voir la table aussi, elle semblait la vouloir. Bon, je me suis dit, si une acheteuse régulière, là, un marchand en fait, là, si ça les intéresse, eh bien, peut-être que c'est une bonne affaire. Puis les marchands, évidemment, c'est les marchands qu'on voit dans les émissions à TV, là, style la guerre des encans. Là. La seule différence, c'est que nous, on a des numéros qui sont... j'entendais parler les madames là, qui donnent les numéros. Puis nous, les acheteurs normaux, nos numéros, c'est 700 en montant. Puis les marchands, les habitués, soit qui n'ont plus de numéros parce que l'encanteur les connaît vraiment facilement, ou ils ont des numéros en bas de 700. Donc, bref, le lot a été mis aux enchères, la table avec ses 4 chaises. Puis je me suis mis à miser contre la madame là, qui la voulait aussi. Puis finalement, j'ai misé jusqu'à gagner. Mais jusqu'à gagner, ça ne m'a quand même pas coûté cher. J'ai eu ça pour 27$, ce qui est vraiment pas cher à mon avis. Là. C'est tout en bois solide avec un mécanisme ancien qui est tout en fer pour permettre de plier. Le banc se replie sur la chaise, donc ça devient super pas trop... ça prend pas de place. Puis dès qu'ils m'ont donné ça, ben la madame, là, la marchande est venue me voir. Là. C'était une madame sûrement dans la soixantaine. Puis elle m'a dit, c'est vraiment un beau kit. Puis elle m'a dit, je te l'ai laissé parce qu'elle dit, moi j'en ai plusieurs au magasin déjà. Là. Mais elle voulait quand même venir voir là, c'était quoi. Puis finalement, là, on a déplié les chaises. Puis elle m'a demandé si elle pouvait s'asseoir sur une des chaises parce qu'elle était fatiguée. Donc elle a passé l'encan assis à côté de moi sur les chaises là, que je venais de gagner. Puis à un moment donné, durant l'encan, c'est là qu'ils se sont mis à vendre une croix là, de Jésus et qu'on a entendu la colère des dieux. Et oui, pendant qu'ils vendaient la croix de Dieu, eh bien, on a entendu le tonnerre sonner au-dessus de nous. Ensuite, l'enquête continue et arrive enfin des lots que j'ai repérés lorsque j'ai visité la tente. C'est des lots de journaux et de papiers anciens sur lesquels moi je voulais miser. Puis surprenamment, on était juste deux qui étaient intéressés par les journaux. Bon, moi j'adore ça les vieux journaux, je vous épargne les détails, mais bon, j'ai misé contre l'autre personne, mais elle était plus tenace que moi, là. En fait, ça ne dérangeait pas de payer plus cher que 25$ pour des vieux journaux. Et donc moi, aux alentours de 25$, j'abandonnais. Donc les deux premiers lots sont partis à ce prix-là, à 27$, parce que moi j'arrêtais à 25$. Mais après, on dirait que l'autre personne était contentée, il ne misait plus. Il avait comme atteint son budget, là. C'était une autre personne comme moi, là, quelqu'un du public. Puis moi, j'ai eu les deux autres lots suivants, parce qu'il y avait plusieurs lots, j'ai eu ça pour 5$ et 10$, donc ça a coupé par 4 ou par 2. Puis dans mon lot à 5$, j'avais deux journaux de 1952 du Family Herald and Weekly Star, Montréal, Canada. J'ai eu le numéro du 1er mai et 24 avril 1952. 2. Et pour 10$, là, j'ai eu 9 journaux du Country Guide Canada National Farm Monthly. C'est des numéros de 1963 et de 1964. Et tous ces beaux journaux, quand tu les ouvres, eh bien, il y a des articles, évidemment, ça parle de choses de fermiers, mais c'est surtout rempli de belles publicités, de cigarettes et de produits bizarres qui font sourire. Moi, j'adore feuilleter ces vieux journaux pour voir la publicité qu'il y a là-dedans. Et voilà pour mon achat à l'encan. Je me serais quand même pas ruiné cette année. Mais le plus fun dans tout ça, c'est quand la colère de Dieu s'est quand même déchaînée. Tu sais, je vous ai dit que pendant qu'il vendait la croix, on avait entendu la colère de Dieu. Eh bien, elle est arrivée un petit peu plus tard, pendant qu'il vendait des journaux. Je venais d'acheter mes deux lots. Et là, il y a un nuage de pluie qui a éclaté. Et il s'est mis à mouiller fort, là, comme ça se peut pas. Moi, j'ai juste eu le temps de prendre ma veste de pluie, de mettre mes journaux dedans. Et la pluie s'est mise à tomber fort, fort, fort. Bon, évidemment, l'encan, là, il a été suspendu à ce moment-là, puis l'encanteur, il a invité tout le monde à entrer sous la tente. Mais bon, on était déjà tous mouillés, là. Quand, en plus, comme c'est des vieilles tentes, ça dégoûtait partout à l'intérieur, là. On voyait l'eau couler qui partait du milieu, puis ça dégoûtait partout, tout. Puis là, ils ont mis en vente la boîte surprise que je voulais. Parce que j'avais spoté une boîte qui était remplie de vieux papiers. J'avais regardé rapidement dedans, puis j'avais rien spoté de super intéressant, là, mais j'avais vu comme une vieille affiche. Un vieux journal de théâtre, en tout cas. Ça avait l'air quand même intéressant. J'ai donc misé, comme à mon habitude, jusqu'à 25$, mais finalement, bon, encore quelqu'un plus tenace que moi, c'est une madame devant moi qui a misé 27$. Puis, bon, si on avait été dehors, si la colère de Dieu n'avait pas frappé à ce moment-là, je pense que j'aurais acheté cette boîte-là, j'aurais continué à miser. Mais là, on était comme tous pognés à l'intérieur, les uns sur les autres. Puis je voyais, parce que d'habitude, ils montrent tout ce qu'il y a dedans, mais là, où ce que j'étais placé, je voyais pas vraiment bien. Mais là, la madame qui l'a eu, la boîte, était juste devant moi dans la tente. Puis quand elle a ouvert la boîte, puis elle a commencé à regarder ses papiers, on a fait, en même temps, quand elle a sorti, un super beau, ben je sais pas comment dire, mais c'est un genre de pamphlet ou d'affiche qui présentait une pièce de théâtre dans les années 1940. C'était sur plus d'une page. On voyait sur les pages suivantes les artistes qui étaient présentés, un peu des explications avec l'auteur. Bref, c'était pas mal beau. Et la pièce de théâtre sur l'affiche, c'était « Un homme et son péché » de Claude-Henri Grignon. Et oui, l'histoire de Séraphin. Ça, c'est quand même une jolie pièce d'histoire qui était dans cette boîte. La madame m'a fait « Wow » en sortant ça de la boîte en même temps que moi. Puis, bon, moi, j'y ai tapé sur l'épaule pour qu'elle se revire vers moi. Puis, je lui ai dit qu'elle avait vraiment fait un bel achat, là. Puis, elle m'a dit qu'elle était pas mal contente. Puis, elle m'a dit pas mal ce que je pensais, que c'était une belle pièce d'histoire. Puis, qu'elle adorait aussi, là, ces vieilles affaires-là. Puis, elle m'a dit qu'elle n'était même pas une collectionneuse. C'était juste qu'elle avait acheté ça par intérêt pour les vieux papiers. Bref, la boîte était remplie d'affaires du style... Parce que je l'ai vu continuer à vider les choses. Il y avait des vieilles photos. Il y avait les choses de théâtre que j'avais eues. Bref, il y avait plein de belles choses dans la boîte. C'était l'achat de la journée que j'aurais dû faire. Et voilà, quoi d'autre? Bon... oui, ce qui m'a fait arrêter de miser sur ce lot, ben, qui a participé, c'est que j'avais quand même dépensé, j'avais déjà 50$ de misé à l'encan, et avant l'encan, j'avais trouvé dans un des champs où il y avait des vendeurs, j'avais acheté des peintures, parce qu'on est en train de vouloir se construire un chalet, tu sais, mon frère se construit un deuxième chalet sur notre terrain au Saguenay, puis moi je vais m'en construire un aussi, mais une maison plus style Hobbit, avec une technique de construction différente, puis j'ai besoin de peintures pour ça. Puis là, il y avait un des marchands qui vendait des peintures de portes de couvent. Quand j'ai vu ça, le monsieur, il en avait 4, là, les peintures doivent faire 1, 2, quasiment 3 pieds de long, je ne vous mens pas, en fer solide, toutes travaillées. Puis quand j'ai demandé comment le monsieur il vendait ça, il vendait 60$ la paire. Bon, c'est que ça revient à 30$ la peinture, c'est quand même cher, hein, là, mais je n'ai jamais vu de belles peintures comme ça. Puis là, c'est ça, le marchand, il m'a expliqué que lui, ils avaient ramassé à Nicolette. Il m'a dit, je sais pas si tu connais la place. Et bien, évidemment, non, je suis jamais allé à Nicolette. Mais il dit, si tu connais la place, il dit, il y a une place, il dit, il y a une grosse, grosse statue, puis en arrière, c'est le couvent. Puis quand ils l'ont défaite, eh bien, lui, il a ramassé les portes, puis il a défait les peintures. Je sais pas s'il a acheté d'autres choses, là, mais dans ce qu'il a acheté, il y avait les portes et il a défait 4 immenses peintures. C'est comme des peintures de portes d'église, là. Mais là, c'est au lieu d'être une église, c'est un couvent. Donc, c'est un peu ça qui m'a fait d'arrêter de miser là, à l'enquête. J'avais quand même une centaine de dollars de dépenser déjà. Et voilà! Après ça, ben moi j'ai lâché l'encan, il était déjà rendu, l'encan commençait à 10h, moi j'ai arrêté à 1h30, ça faisait quand même 3h30 que je m'amusais là, et je savais que le reste des affaires m'intéressait plus ou moins, car à un moment donné on est tombé dans les gros morceaux qui vendaient dehors, là. C'est des gros bureaux ou une glacière ancienne, là. C'est des affaires plus grosses, sur lesquelles je savais que je misais pas de toute façon. C'est plus les marchands là, qui misent là-dessus, car eux sont venus souvent avec un trailer pour rapporter ce genre d'affaires-là. Donc, sous la pluie, parce qu'il mouillait encore à ce moment-là, j'ai ramassé mes journaux, mes cadres, et je suis reparti dans le champ mouillé, porter mes affaires à l'auto. Ça m'a pris 3 longs voyages, ça m'a pris 30 minutes tout transporter mon stock jusqu'à la voiture, parce que le site est vraiment grand. Et à la fin, ben évidemment, j'avais les pieds tout mouillés, car le champ était rempli d'eau. Et moi-même, j'étais tout mouillé, tout mon linge, car j'avais utilisé mon habit pour protéger mes journaux. Bref, c'était bien le fun. Ben oui, moi j'aime ça, quand il y a de la belle pluie chaude. Les deux seules choses qui m'ont déçu durant mon périple à l'encan, c'est ceci. Un, vous vous en doutez, là... Je n'ai pas vu de nain. Bon, car si j'en avais vu, ça aurait été explosion de joie et sujet principal du podcast. Donc non, cette année, pas de personnes de petite taille sur le site. Ou bien étaient tombées dans le petit lac là, où ce que les marchands vendaient les choses autour. Mais bon, j'ai pas vu de petits corps qui flottaient là, sur l'eau. Puis la deuxième chose qui m'a déçu, c'est que j'avais faim, moi, rendu à 13h30. Puis j'anticipais de manger des bons blés d'Inde comme dans les années passées. Mais non, la gang en charge de l'épluchette de maïs, là, il était un peu perdu cette année. Je sais pas si c'est à cause de la pluie. Mais bon, à 1h30, il y avait aucun blé d'Inde à vendre. Il était en train d'éplucher du blé d'Inde. Bon, pourtant, il y avait plein de gens qui attendaient ou qui lui demandaient si c'était prêt. Puis la réponse était toujours non. Et la personne ne savait même pas quand ça allait être prêt. Mais bon, ils ont manqué leur coup là-dessus. Finalement, moi, j'ai pas voulu manger sur le site. Bon, il y avait plein de food trucks, mais je savais que pour les food trucks, je devrais payer quand même assez cher là, pour manger. Donc, j'ai préféré attendre d'être sorti du site et du village pour manger. Et juste pour vous dire, bon, ouais, c'est ça, ça me fait souvenir. Juste pour sortir du site avec la pluie, ben, c'était devenu juste une aventure sortir du site parce que les autos étaient parquées dans des champs, mais tu sais, un champ, là, quand il mouille, ça devient un petit peu boueux. Donc, juste quand j'ai démarré du champ où j'étais parqué, j'ai vu la boue qui revolait autour de moi. Là. Car oui, la pluie avait transformé tout en boue. Puis comme la sortie unique de mon champ était, il y avait juste une sortie, on ne peut pas sortir n'importe où, puis évidemment, toutes les voitures se pointaient pour sortir là. Donc ce bout-là était vraiment rendu en boue, là, c'était comme un lac de boue. Puis j'ai vu l'auto avant moi, là, comme s'enliser dans ça, puis appuyait pour sortir, puis la boue volait, puis ça comme m'a remis le sourire dans le ventre. Même si j'avais faim. Donc moi j'ai attendu mon tour. J'ai attendu que la boue retombe autour de l'auto devant moi avant de m'élancer. Mais bon, avec 4 roues motrices, c'est passé trop vite. Puis un peu plus loin, après avoir été sorti du village, après avoir passé la jolie gratte là, qui annonçait la ville de Hinchingbrook, je suis arrivé dans un endroit où il y avait un magasin général. Bon, c'est une genre de maison remplie de souvenirs, d'époque, qui a été transformée en petite épicerie ou magasin général, là, qui appelle, avec une petite cantine dedans. Et là, pour tout 8,50, eh bien, j'ai eu la plus grosse poutine de ma vie. Bon, j'exagère quand même, là, mais c'était immense. J'ai réussi à en manger juste la moitié. Et c'est ainsi que s'est terminée mon aventure au Châteauguay Valley Antique Association. Oui, je voulais hier soir me rendre au USA, comme je vous avais dit, pour m'acheter du fromage. Mais là, comme mon auto était remplie de stock et que j'étais tout mouillé, eh bien, je me suis dit, ça sera pour une autre fois. Mais, quand même. Sur le retour, je suis arrêté où? Je me suis acheté de quoi? Qui a une histoire quand même assez spéciale. Ça implique un trésor d'une valeur de 150 000 $. Et oui, je vous raconte ça au retour de ce Lobster 136.0. On fait une autre pause musicale. Sur mon retour vers la maison, je suis arrêté à Valleyfield dans une boutique de prêteurs sur gage. Bon, c'est les boutiques de ceux qui achètent là, des affaires ou qui les prennent en concession là, pour de l'argent ou qui encaissent tes chèques à l'avance puis en gardant une partie du montant pour eux, j'imagine. Là. Bref, je vais pas dans ces boutiques-là habituellement où j'ai pas besoin d'aller là, mais j'arrête quand même de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des choses spéciales. Comme des cassettes pour mon Atari 2600. Et oui, je suis arrêté et surprise dans la boutique. Je demande au vendeur s'il y a des cassettes noires d'Atari. Il me dit « Attends, je vais fouiller dans les boîtes. » Et là, il me dit « Ah oui, traverse de l'autre côté du comptoir, il y en a dans une boîte. » Puis là, je vois quand même, ben je traverse, je vois qu'il y en a quand même plusieurs, et je regarde le prix, 4,99$, ce qui est quand même pas cher, là, et pas mal, pas mal le prix que je veux payer. Mais le gars me dit, « Oh, fais pas attention au prix, je vais te faire un prix. » Donc, je me dis, « Hmm, ça doit quand même faire longtemps là, qu'il garde ça en dessous de son comptoir. » Et là, ben j'en ai choisi 5 que je voulais, et il m'a vendu ça pour 20$. Mais bon, rendu à la maison, il n'y en avait que 3 qui fonctionnaient. Les deux autres, ben, je vais essayer de les nettoyer, là. Puis s'ils ne marchent pas, ben, je vais leur apporter. Il m'a dit que je pouvais les échanger, là, si ça ne marchait pas, là. Et j'avais un mois pour les échanger. Bref, j'ai ramassé Q-Bert, qui fonctionne. Et oui, c'est un classique des jeux, le genre d'extraterrestre, là, qui saute de bloc en bloc pour les activer puis terminer le tableau. Ça, c'est quand même le fun. Ensuite, j'ai Midnight Magic. C'est un jeu de machine à boules d'arcade. Bon, le jeu est correct, divertissant sans plus, là. À date, j'ai vu qu'il y a juste une machine à boules, donc c'est quand même limité, là. Et surprise, il y a de quoi que j'ai ramassé au hasard dont je veux vous parler, c'est le jeu Sword Quest. Et c'est le premier jeu qui m'intéressait, que j'ai essayé rendu à la maison. Et comme d'habitude, bon, en le mettant, j'ai rien compris, là. C'est un genre de labyrinthe avec des épreuves qui apparaissent quand tu pèses sur le bouton rouge. C'est des épreuves, c'est des défis. D'adresse. Bon, je comprenais rien vu que j'avais pas le manuel. Donc, j'étais allé me ramasser le manuel sur Internet et là, surprise, eh bien, ce jeu, il y a quand même une histoire spéciale. Enfin, il y a une histoire très spéciale. C'est comme un concours qu'Atari a fait dans les années 80, juste avant le crash de 83 là, qui les a menés là, à la simili-faillite. Donc, voici ce que je viens de lire là-dessus. Bon, et oui, on est retombé là encore dans mes addictions Atari qui se poursuivent. Donc, parlons un peu d'Atari. Donc, le jeu Sword Quest. La série de jeux vidéo Atari Sword Quest était une série de jeux d'aventure et de puzzles publiés par Atari dans les années 80. La série se composait de 4 jeux, chacun correspondant à un élément différent. Il y a eu Earth World, Fire World, Water World et Air World. Puis, tous ces 4 jeux-là devaient être publiés pour la console Atari 2600. Donc, 4 jeux en tout. Moi, par hasard, là, j'ai eu le deuxième, Fireworld. Quand j'ai acheté, moi, j'ai juste vu Sword Quest. J'avais même pas remarqué qu'il y avait un deuxième nom en dessous. L'élément unique de cette série de jeux Sword Quest, bien, c'était son aspect promotionnel. Donc, chaque jeu, il était accompagné, d'après ce que je lis, d'un comic book qui racontait une histoire qui était liée à l'intrigue du jeu. Les joueurs devaient résoudre des énigmes dans le jeu pour trouver des indices sous forme de mots qui les mèneraient à des réponses spécifiques dans la bande dessinée et vice-versa. Donc, les mots-clés que tu trouvais dans le jeu t'aidaient à trouver quelque chose dans la BD qui te permettait de faire une phrase finale qui était le résultat du concours. Bon, les gagnants, ils pouvaient alors participer au concours d'Atari dans le temps pour gagner des prix précieux. Et quand je dis précieux, c'est vraiment précieux. Bon, je termine l'histoire des jeux et je vous parle du précieux, de mon précieux, le précieux, après. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, la série Sword Quest n'a jamais été terminée. Il y a seulement 2 des jeux, Earthworld et Fireworld, le 1 et le 2, qui ont été publiés avant qu'Atari ne connaisse des difficultés financières et ne mette fin à la série. Les jeux Waterworld et Airworld n'ont jamais été officiellement publiés, bien que des prototypes et des versions inachevées ont été découverts plus tard. Donc en ce moment, le 1, le 2 se vendent à des prix standards et le 3 se trouve aussi. Mais bon, la série Sword Quest, elle est devenue célèbre plutôt pour son concept unique et son intrigue complexe, mais aussi pour son statut qui est quand même inachevé, vu qu'ils n'ont pas sorti le 4e. Puis elle est devenue un sujet de fascination pour les collectionneurs et les amateurs de jeux vidéo rétro en raison de la rareté des exemplaires originaux et du mystère entourant les jeux inachevés. Donc, ce que j'ai acheté, ça semble quand même être un jeu rare. Bon, quand je dis rare, je devrais plutôt dire recherché. Là, et encore, là, sur les sites, c'est écrit que c'est un jeu à 30$. Mais bon, au magasin où je suis allé, c'est le prix des barres, là. Puis à date, c'est pas mal souvent prix des barres dans tous les marchés opus où je vais. Faut juste trouver les bonnes boîtes, puis c'est rempli de cassettes Atari à des prix ridicules. Mais bon, quand même, j'ai vérifié pour le troisième de la série, qui lui est... Bon, qui a pas vraiment été sorti par Atari, mais qui a été sorti par après. C'est Sword Quest Waterworld. Lui, le prix tourne quand même autour de plusieurs centaines de dollars. Donc, ceux que j'ai vus en vente étaient à 250 US, là, minimum. J'imagine que c'est des copies qui sont sorties par... qui ont été trouvées par après, là. Bref, j'en suis où? Ah oui, bon. Dans le jeu, on fait quoi? C'est écrit, le jeu, on suit des jumeaux, Tara et Thor. Leurs parents ont été abattus par des gardes du roi Tyrannus à la suite d'une prophétie dévoilée par le sort. Blablabla. Bla, bla, bla. Quand même que je lirais ça, ça donne rien. Moi, dans le jeu que j'ai, il n'y a pas d'affaire de jumeaux. Non. Ça, c'est l'histoire qu'Atari raconte probablement dans BD, j'imagine. Mais moi, dans mon jeu, j'ai juste un bonhomme fait de carré qui se promène de tableau en tableau, qu'on sait pas trop comment ils sont connectés. Puis on remplit des défis. Dans chaque tableau que tu rentres, tu peux appuyer sur le bouton rouge, tu fais un défi. Et si tu fais le défi, tu te trouves dans une salle secrète où là, tu peux déplacer le curseur pour prendre les objets qui sont dans cette salle-là ou déposer des objets dans cette salle. Puis là, c'est comme ça qu'on peut débloquer le jeu puis finir le jeu. Bon, exemple. Dans mon jeu, il y a 10 pièces dans le jeu qu'on ne sait pas trop comment c'est connecté. Dans chacun, il faut amener un objet principal. Mais avant de mettre l'objet principal, il faut mettre 3 ou 4 objets secondaires. Puis selon ce que je lis, quand tu réussis, ça te donne un mot. Et avec les mots, tu refais une phrase pour résoudre l'énigme avec l'aide de la BD. Bref, ça semble quand même être le fun. Le défi est là. Je vais essayer de le réussir, ce jeu-là. Juste pour dire que je l'ai réussi. Dans le fait, j'ai sorti le... comment faire le jeu. C'est juste d'aller dans les bonnes pièces, faire les défis. Mais les défis sont quand même compliqués. Il y a comme 5 ou 6 défis différents. Dans un, c'est que tu déplaces un pot dans le bas pour attraper des poignards qui tombent, puis ils apparaissent et disparaissent. Lui, il est quand même difficile. Il y en a d'autres qui sont plus faciles. C'est juste de tirer sur des serpents. Bref, la moitié facile, la moitié difficile. Il y en a un que je réussis pas pantoute. C'est comme des couteaux qui tombent, mais puis il faut tout que tu les attrapes. Tu as le droit, genre, d'en laisser tomber 8. Mais dans la pièce, tu peux déplacer les murs. Donc le truc, c'est de déplacer les murs pour tout coller les tableaux, les poignards d'un bord. Et là, déplacer l'affaire dans le bas pour les poignards. Bref, c'est quand même que compliqué. Mais sinon, si on revient au jeu, pour mousser les ventes du jeu, bon, c'est ça, c'est de ça que je voulais vous parler. Atari, il faisait tirer des prix extraordinaires à ceux qui lui envoyaient les solutions à l'énigme. Bon, j'ai lu que pour le premier jeu, ils ont reçu 5000 réponses, mais parmi les 5000 réponses, Atari a dit qu'il y avait juste 8 bonnes réponses. Donc, c'était quand même difficile. Puis Atari, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir les 8 gagnants en Californie pour jouer à une version modifiée du jeu. Et il y a une personne parmi ces 8-là qui a remporté le grand prix pour ce premier jeu. Et ainsi de suite pour les autres jeux. Ça devait être comme ça jusqu'au quatrième jeu. Mais ils ont fait ça. Comme je vous disais, au départ, ils prévoyaient 4 jeux. Et donc, Atari, eux, ils avaient prévu 4 prix, plus un grand prix où les finalistes, les gagnants de chacun des 4, se rejoueraient entre eux et gagneraient le grand prix. Mais bon, ça a mal viré pour Atari en 83-84, comme je vous ai raconté. Ils perdaient $1 million par jour. Puis, bon, le concours est mort après 2 jeux. Oh, c'est triste. Bon, mais là, je vous le dis, c'est quoi? Quels étaient les prix? C'est quand même incroyable. Je vous lis l'article. Atari avait programmé un concours Sword Quest pour récompenser le gagnant chacun des 4 jeux. À la fin, chacun des gagnants aurait dû s'affronter au siège social d'Atari à Sunnyvale en Californie. Seuls les 2 premiers jeux ont été une compétition avec prix distribué. Les prix à remporter étaient des bijoux constitués de véritables or et pierres précieuses. Atari avait commandé 5 prix pour une valeur totale de $150,000 US. On pouvait gagner ceci. Bon, pour le gagnant de Earthworld, lui a gagné le talisman de la vérité pénultienne qui vaut $25,000. C'est magnifique. On voit Atari a publié les photos de ça, là. Puis c'est un beau collier avec un talisman en or avec plein de bijoux. Vraiment magnifique. Ça a été fait par des joailliers. Pour Fireworld, lui, il gagnait le calice de lumière qui valait aussi 25 000 $. Ensuite, le troisième prix, lui, qui était prévu, c'était la couronne de vie, donc une couronne. Et finalement, pour le gagnant de Airworld, c'était la pierre philosophale qui valait aussi 25 000. Et une ultime épreuve qui devait confronter les gagnants de chaque jeu aurait fait remporter l'épée de la sorcerie ultime, une épée constituée d'une poignée en or incrustée de pierres précieuses et d'une lame en argent d'une valeur de 50 000 $. Bon, d'après ce que je lis, tous ces prix bijoux, objets précieux, ben, ils avaient été commandés par Atari, faits par un joaillier. Les deux premiers prix ont été vraiment remis aux gagnants. Et selon l'histoire, à ce jour, maintenant, seul le calice subsiste, précieusement gardé par Michael Rideout, qui l'avait gagné. Donc, le gagnant du deuxième jeu, pas le gagnant de Fireworld, lui, il a conservé son prix. Puis il a même été contacté dernièrement, là, dans les dernières années. Puis il y aurait toujours le prix avec lui. Le talisman, lui, il a été partiellement fondu par le premier vainqueur, Stephen Bell, qui a dit qu'il avait fait fondre pour faire payer ses études. Donc lui, dès qu'il a gagné, il a déjà dit à Atari, ben moi je garderai pas. Ça fait que lui, ce prix-là, on savait qu'il avait déjà été détruit au départ. Bon, puis pour les autres prix, ben c'est pas clair. Comme Atari perdait pas mal d'argent, il aurait probablement directement demandé au joaillier de refondre puis de le refaire un retour sur argent pour récupérer un petit peu d'argent. Mais, surprise, ceux qui avaient gagné puis qui devaient participer au concours final pour le 50 000, ben ils n'étaient pas contents. Ils se sentaient floués par l'arrêt du concours. Et selon ce que je lis, tout ça a été réglé hors cours. Les deux gagnants auraient reçu chacun 15 000 $. Vu qu'ils ne pouvaient pas participer au concours de 50 000, Atari leur aurait offert chacun 15 000. Et les autres joueurs, tu sais, je vous avais dit qu'il en avait fait venir 8 le premier coup. Donc, les 7 autres qui n'avaient pas gagné faisaient comme partie d'un deuxième concours pour gagner des prix subsidiaires. Puis ceux-là, ces gagnants-là, pas ces gagnants-là, mais ces gens-là, eux, ils auraient reçu 2 000 $ d'Atari. Voilà, c'est l'histoire que j'ai lue autour du jeu Sword Quest. C'est quand même intéressant. Si vous tripez sur moi, pas sur moi, non, mais sur Atari, ben, c'est quand même... je trouve que c'est des belles histoires. Et je trouve qu'il n'y a plus d'histoires comme ça autour des jeux maintenant. Là. C'est rendu, on sort le jeu, puis... En tout cas, je pense qu'on est rendu à une autre petite pause musicale. Et au retour, je vous parle, et oui, encore d'un jeu Atari, un jeu qui, lui, ne se termine que d'une seule façon possible, c'est à l'envers. Je vous en parle au retour. Qui veut fournir, j'ai besoin d'enfourner. Cuir fournaise, explose fenêtre. Ouvre STEM, STEM. Toute la journée, c'est le thème, je les aime et traîne sur le web. Pour écouter, ils traînent dans ma tête et sèment les graines. À récolter, tu me manques, bébé, j'encaisse. Son morceau, yeah, oui, j'enquête. Tant que sa défense se casse, peu au porte au fond laquelle. Hey, Didier, je la mets. Au studio ou au chalet. Pas de pitié, j'arrête jamais. J'ai dit, tu vas chalet. J'écoute mes démons ou mes démons. Puis sorti, ça fait des mois. Québécoise, bien des vôtres. Sortez-moi de moi. Je patine à Sion et large la zone. Usine à sauce. Je patine à fond et arrive en saut. À qui la faute? J'écoute plus mes démons que mes démons. Cherche le bon depuis des mois. Une maison pour le chant de ma voix. C'est plus comme avant, j'ai trop de choix. Et ça fait bang, bang, bang. J'écoute plus mes démons que mes démons. Cherche le bon depuis des mois. Une maison pour le chant de ma voix. C'est plus comme avant, j'ai trop de choix. Et ça fait bang, bang. Fuck the beat. Fuck the beat, mon gars. Fuck the beat. Fuck the beat, mon gars. Achat en ligne, c'est l'harmonie. J'suis chat, all in, baka, Halloween. Soit abordable sur le marché, tire lire ou casse pied. Je me garde intact désormais, c'est plus mes fonds que je gaspille. Je m'excite que pour des clics et des tapes, je presse. Exit, je prends mes clics et mes claques que je me vide. Dans ce shit, je t'évite les détails. Ma tête, mon prix bien élevé deviendra mon bétail. J'écoute plus mes démons comme des mois. Cherche le bon depuis des mois. Une maison pour le chant de ma voix. C'est plus comme avant, j'ai trop de choix. Ça fait bang, bang, bang. J'écoute plus mes démons que mes démons. Cherche le bon depuis des mois. Une maison pour le chant de ma voix. C'est plus comme avant, j'ai trop de choix. Ça fait bang, bang, bang. Ça a commencé avec le régional. Après la tornade, ça a commencé avec les blogs et canals. Avant les tomates, ça a commencé avec des rêves de verdure. La scène est urbaine, de faire les couvertures. De rester sous sienne, humaine ou bien Truman. Tant que l'encre coule sur les joues, ok tout baigne. Non mais quelle chance elle a. Dans le journal, elle a trouvé un emploi. De la colonne en A. Elle veut faire la une, et puis deux, et puis trois. Baby girl veut faire les manchettes. Un tour de la planète. Baby girl veut voir son nom partout dans la presse. Et puis après. Baby girl veut faire les manchettes. Un tour de la planète. Baby girl veut voir son nom partout dans la presse. Et puis après. Faut pas que tu perdes l'objectif de vue. On lui dit pour la photo après l'entrevue. Si elle prend une pause, elle a pas le bon profil. Porte sur ses épaules autant qu'elle en profite. Dans les rubriques iconiques, elle connaît maladie chronique. Relation qu'avec le public, pas que journal qui est plus intime. Mais wouch, baby girl, c'est blanc sous noir. À quoi bon être reine si on connaît pas son roi? Non mais quelle chance elle a. Dans le journal, elle a trouvé un emploi. De la colonne en A. Elle veut faire la une, et puis deux, et puis trois. Baby girl veut faire les manchettes. Un tour de la planète. Baby girl veut voir son nom partout dans la presse. Et puis après. Baby girl veut faire les manchettes. Un tour de la planète. Baby girl veut voir son nom partout dans la presse. Et puis après. Baby girl, de quoi que tu cherches? Si t'existes que dans le regard des autres, c'est dans le sein que tu sais ce que tu vaux. Plus que fait divers, ce qu'on te fait livrer. L'encre a coulé jusqu'à ce que sa peau se dessèche. Pour quelques ivresses, baby finirait comme vous et moi dans les avis de décès. Mais baby girl veut faire les manchettes. Un tour de la planète. Baby girl veut voir son nom partout dans la presse. Et puis après. Baby girl veut faire les manchettes. Un tour de la planète. Baby girl veut voir son nom partout dans la presse. Et puis après. Je vous ai parlé dernièrement, je vous avais dit que le meilleur jeu pour la console Atari 2600, c'était Pitfall, et que je l'avais commandé. Eh bien, je l'ai reçu 3 jours après la commande, mais avant, une grosse nouvelle, oui, avant que je vous parle de Pitfall, je vous avais dit que je suivais les nouvelles du site d'Atari et que j'étais pas content que je pouvais pas acheter leurs affaires ou le jeu Mr. Jump. C'était juste pour les USA. Et cette semaine, qu'est-ce que je vois pas sur leur site? Atari ressort leur console Atari 2600. Puis après, j'ai vu que la presse en a parlé. Donc, mais là, pour l'instant, sur le site, c'est écrit seulement aux USA pour 129$ US. Là, la console a maintenant un port HDMI. Elle se joue en widescreen. Puis accepte aussi les jeux pour la Atari 7800. Donc, ceux qui vont acheter ça, ils vont avoir une belle console neuve qui accepte les vieilles cassettes d'Atari. C'est hot, là, quand même. Ben, pas hot, là, mais moi, moi j'aime ça. Je pense que c'est mon côté nostalgique qui embarque, là. Car quand je vous dis que les jeux sont bons, c'est pas si bon que ça. Bon, puis je perds quand même beaucoup trop de temps à jouer à ça, là. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai lu dans un article, justement de la presse, que le 18 novembre, il semble avoir plus d'infos que moi, ils ont annoncé qu'Atari vont étendre la vente à tout le monde. Donc, ça devient international. C'est fini l'exclusivité aux États-Unis. Donc, tout le monde va pouvoir acheter leur jeu et la console qu'ils ont refaite. Donc, voilà. De retour à Pitfall. Bon. Qui est effectivement un très, très bon jeu, je vous le jure. Bon. Puis, je comprends maintenant pourquoi j'avais jamais terminé ce jeu, car à l'époque, évidemment, je l'avais. Eh bien, pour terminer ce jeu, je vous ai vendu le punch avant la pause. Il faut jouer à l'envers. Je vous explique. Bon, dans le jeu, on a 20 minutes pour ramasser les 32 trésors qui sont éparpillés un peu partout dans les 250 tableaux du jeu. C'est ça l'objectif du jeu. Et le jeu, tu peux aller tout droit vers l'avant ou tu peux partir à reculons. C'est de ton choix. Si au départ, tu pars au tableau 1, si tu pars vers la gauche, tu te trouves être au 255. Puis là, si tu continues à reculons, 254, etc. Bon, mais là, si tu fais juste, disons que tu pars vers l'avant et que tu fais juste avancer dans le jeu, eh bien, c'est impossible de passer au travers des 255 tableaux du jeu et de ramasser les 32 trésors. Eh bien, non, c'est impossible de le faire vers l'avant, tu manques de temps. Les 20 minutes ne sont pas suffisantes. Donc, la question se pose, comment réussir ce jeu? Car oui, les développeurs avaient prévu qu'on pouvait le réussir. Première chose à savoir sur Pitfall, c'est important, il y a deux niveaux où on peut jouer dans ce jeu. Tu peux jouer au niveau du sol ou du sous-sol en descendant une petite échelle ou en te laissant tomber. Puis quand on descend dans le souterrain et qu'on traverse un tableau à gauche ou à droite, eh bien, ça nous avance de trois tableaux. Comparativement, si tu restes en haut, il faut traverser tous les tableaux, c'est un par un. Donc, déjà là, il faut savoir que la voie du bas, là, des souterrains, est plus rapide. Mais, il ne faut pas juste rester en bas, car on pogne des murs qui nous bloquent. Donc, puis en plus, si tu restes juste en bas, tu perds des trésors, les trésors se ramassent juste en haut. Donc, il faut absolument suivre un chemin précis pour réussir le jeu. Mais ce chemin précis, il est extrêmement complexe. J'ai dû m'imprimer une carte pour suivre les directives. Bon, puis autre chose qui complique le jeu. Dans ce jeu, on a 3 vies maximum pour le réussir. Et même si tu gagnes des points, tu restes à 3 vies maximum. Dans les autres jeux Atari, quand tu gagnes des points, habituellement tu gagnes des vies, mais pas dans Pitfall. Donc, dans ce jeu, le seul avantage qu'on peut se donner, c'est de jouer à l'envers. Donc, de jouer de droite à gauche, quand tu meurs, tu réapparais toujours à gauche, peu importe. Donc, si tu joues à l'envers, puis que tu te fais mordre par un serpent ou que tu tombes dans l'eau des crocodiles, eh bien, quand tu réapparais, tu te trouves à avoir passé la difficulté qui vient de te coûter une vie. Bon, qui est dans mon cas, qui est toujours les maudits crocodiles. Bon, c'est ça le plus dur, mais je m'en viens. C'est des lacs où il faut passer, là, puis il faut sauter sur la tête des crocodiles. Mais si tu restes sur la bouche, ben tu meurs. Faut se mettre sur le petit rond de la tête. Là, t'es correct, mais c'est pas facile. Bon, c'est les tableaux que moi je trouve le plus dur. Donc, comme je disais, pour réussir le jeu, il y a une map qui existe pour nous donner le chemin optimal. Voici en gros c'est quoi le truc pour vous donner une idée. Donc, quand le jeu démarre, on joue dans le sens normal. Il faut avancer 12 tableaux dans le bon sens, ce qui permet de récupérer notre premier trésor et d'atteindre une échelle pour descendre en bas. À partir de là, tu joues à l'envers dans le jeu. Tu recules de 6 tableaux souterrains, ce qui est l'équivalent de passer 18 tableaux en vrai. Ensuite, on remonte, on recule 10 tableaux en haut, et là, on redescend pour 2, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le tableau 140, qui était le plus loin que j'ai pu me rendre, parce que j'ai continué à jouer, et finalement, maintenant, je traverse le 7-8e du jeu. Bon, j'en parlerai plus tard. Donc, sur ma map imprimée, moi, j'ai inscrit divers détails, là, car c'est pas évident de tout retenir quoi faire. Des fois, je me note que quand je passe le tableau avec le feu qui brûle, ben, je dois prendre la prochaine échelle ou ramasser les 8 prochains trésors avant de descendre. Bref, c'est compliqué. Je sais pas comment les gens y arrivaient dans le temps sans Internet pour trouver la solution. Moi, j'avais jamais réussi. J'imagine qu'il fallait acheter un livre puis la solution était dedans. Mais bon, je me pratique, c'est quand même le fun. Je joue un bon 15 minutes maintenant avec mes 3 vies. Je suis sur le bord de réussir le jeu. Là, pour être sûr d'avoir assez de temps, je me suis fait des cartons maintenant qui sont écrits en gros parce que là, pour lire la map, j'étais obligé d'arrêter de jouer. Donc, le temps continue de défiler. Fallait que je mette mes lunettes, fallait que je regarde où ce que je suis, fallait que je regarde le chemin. Donc, c'était trop compliqué. Ben, trop long en fait. Maintenant, j'ai des cartons, c'est à côté de moi, ça me permet de ne pas me tromper. Donc, chaque fois que je réussis une séquence de mes cartons à faire, style, c'est écrit « Trouver 5 trésors, arriver au feu, descendre ». Là, si je réussis ça, je vire le carton, puis je fais ce qu'il y a sur le prochain. Mais tout est simple sur mes cartons, c'est écrit en code, là, c'est écrit juste « 10 trésors, feu, plus 2 ». Donc, ça veut dire que quand je remonte l'échelle, quand je remonte des souterrains, je dois ramasser et compter 10 trésors. Ensuite, moi, je me rends au tableau du feu. Puis à partir de là, plus 2 veut dire au deuxième tableau qui suit, je redescends. Puis là, je vire mon carton. Puis là, il y a d'autres choses décrites dessus. Puis je fais ce qui est écrit. J'ai 7 ou 8 cartons comme ça qui me disent quand on doit retourner dans les souterrains. Et tantôt, quand j'ai joué, il ne me restait juste que 2 cartons à tourner. Puis j'avais fini le jeu. Donc, je fais le 7-8e du jeu. Je m'améliore vraiment. Donc, voilà. C'est tout pour moi dans ce Lobster. On a assez parlé d'Alcan et d'Atari. On va terminer en musique, mais avant, je crois qu'on va faire la lecture d'une petite pub qui est tirée au hasard dont de mes vieux journaux que j'ai ramené de l'Alcan. Donc, j'ouvre ça. Ça dit « Tony ». Quelque chose de différent. Ben, je vous traduis, là, c'est en anglais. Le Family Herald est fier de vous présenter les nouveaux Tony Spin Curlers. Je sais même pas c'est quoi. Je vois une boîte en noir et blanc. Bon, ça m'aide pas, je dois vérifier. Bon, c'est des bigoudis. La boîte de bigoudis Tony peut être à vous gratuitement si vous arrivez à vendre pour 6$ d'abonnement au journal avec vos amis. Bon, c'est quand même une bonne publicité. Ce que je comprends, c'est que tu peux avoir un cadeau gratuit. OK, tu peux avoir la boîte gratuitement si tu trouves des gens qui s'abonnent pour un total de 6$ au journal. Lui, le journal, il est quand même pas cher, car pour l'abonnement, c'est 1,50$ pour un an, 2,25$ pour 2 ans ou 3 ans pour 3$. Puis ça, c'est un journal qui sort une fois par semaine. Donc, faut que tu accumules pour 6$ de vente d'abonnement, puis t'as une boîte de bigoudis gratuits. Bon, si jamais vous pensez, vous, à vous abonner à ce journal, dites-le moi, je vais cumuler vos abonnements. J'aimerais bien ça avoir des beaux bigoudis rose et blanc pour... j'ai plus ben même de cheveux, donc on va laisser faire. Sinon, je viens de voir qu'il y a des annonces classées dans mon journal de 1952. Je peux pas vous laisser, s'en fouiller un peu avec vous là-dedans. Il y en a quand même pour 7 ou 8 pages. C'est quand même beaucoup pour un journal diffusé une fois par semaine. Il y a quand même beaucoup de monde qui voulait annoncer leurs affaires. Puis je peux lire qu'ils publiaient 400 000 journaux par semaine. C'est quand même, il y avait un bon tirage. Bref, bon. Dans les annonces classées, il y a quelqu'un qui habite au 56 Oakland Avenue dans la ville de Welland en Ontario qui vend du lapin à 5$ la paire. Bon, je sais pas trop c'est pour quoi faire, c'est-tu pour les manger ou s'amuser avec? 5$ la paire de lapin. Ok, il y en a un autre qui vend du chien. Qui vend des chiens, c'est pas cher. Les Saint-Bernard, c'est 15$ pour des bébés de 2 mois. Ou il y a une autre annonce en dessous. Un autre monsieur, lui, il solde ses Saint-Bernard. 6,50$ pour des bébés de 6 mois. Ces bébés, lui, sont plus vieux. Ce qui est une bonne chose, en fait. C'est mieux de laisser les bébés, je pense, plus longtemps avec la mère. Sinon, pour les amateurs de pêche, un kit complet qui comprend canne à pêche et 66 gears utiles avec les hameçons, les poids et toutes sortes d'affaires. Tout ça pour $3,99 par la poste. Moi, je vais écrire demain. Sinon, un fusil de calibre 22.9, c'est 15$. Il y a aussi une section qui cherche des professeurs. Bon, c'est un peu comme nous en ce moment, là, il manque de professeurs, là, si vous avez regardé les nouvelles. Donc, à Farnham, ils cherchent un professeur protestant pour enseigner la 7e et la 8e année dans une école rurale. Sinon, même dans ces années-là, ils semblent encore avoir des arnaques catalogues, genre t'envoies de l'argent pour avoir leur catalogue pour vendre leurs affaires. Ici, dans l'annonce, il faut envoyer 1$ pour avoir un catalogue qui te permettra d'aller chez les gens et de leur montrer que tu veux leur vendre des plaques lumineuses à mettre sur les portes de leur maison. Et le vendeur te promet que tu peux te faire jusqu'à 20$ par jour en vendant leurs plaques. Bon, une dernière annonce et je vous quitte. Free Enlargement. Cette annonce-là m'a quand même attiré. Bon, moi je pensais plus à enlarge your penis, mais non, c'est pas sexuel. En fait, il n'y a rien de sexuel dans mon journal de fermier des années 50. Le Free Enlargement, c'est pour faire finir tes photos. Ils annoncent qu'ils te donnent une photo agrandie avec chaque set que tu fais finir. C'est 35 cents par la poste pour faire finir ton rouleau de photos. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé mes histoires dans le camp et que ça n'a pas été trop pénible d'endurer mes histoires d'Atari qui risquent de revenir dans les épisodes subséquents. Car moi, j'adore ça et risque d'en avoir d'autres. Malgré que je crois que vous alliez bientôt être sauvé par Starfield, qui sort dans moins d'une semaine. Il sort en pré-vente le premier pour ceux qui achètent la grosse édition. Puis moi, je devrais l'avoir le 6 septembre. Donc, prochain Lobster, je crois qu'on va parler du jeu Starfield que je devrais avoir essayé. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle bientôt. C'était le Lobster 136.0. Merci, bonne semaine. On sait très bien que vous êtes là, alors ouvrez! On en a gros! C'est marrant parce que ça fait 4 ou 5 jours d'affilée, je peux pas faire une nuit complète parce que je suis réveillé par des cons. Qu'est-ce que vous voulez dire, Sire? Ouais, chaque nuit il y a un truc. Hier c'était mon beau-père qui avait des insomnies, avant-hier c'était je sais plus qui est venu me trouver pour me dire je sais plus quoi. Et ça fait 5 jours. 5 jours que ça dure. Le défilé des glandus. C'est marrant, hein? Mais vous allez nous écouter ou pas? Parce qu'attention, on en a gros. Vous écoutez? Ah non, non, mais non, pas du tout. Sire, ouvrez, c'est important! Parce qu'on en a gros! On a besoin de vous parler pour vous exposer un truc. Ouais, ouvrez! Vous voulez pas me l'exposer demain? Non mais là, c'est urgent! Si on vient vous réveiller en pleine nuit, vous imaginez bien que c'est pas pour rien! C'est parce qu'on en a gros! Ouais, seulement là, moi je dors, alors tirez-vous! Sire, y a pas de hasard. Si vous voulez pas nous parler, c'est parce que vous avez, vous voulez pas admettre que... Non. Vous refusez de comprendre... Non mais j'arrive pas à expliquer. Non mais cherchez pas des phrases pourries. On en a gros. On en a gros! Voilà! Magnéo. L'autre jour à la fête. Quelle fête? Ah oui, la fête, oui. Bon, et ben. À un moment, on a pris la parole. Faites pas celui qui se souvient plus. On a fait un petit discours sur la chevalerie. Un truc bien ficelé, seulement vous pouvez pas savoir. Puisque quand c'est nous, vous écoutez jamais. Pendant qu'on parle, vous parlez avec d'autres. Vous croyez que c'est gentil? On en a gros. Pour boucler le tout, on annonce qu'on va chanter en canon et qu'on voudrait bien que le roi Arthur se joigne à nous. Et vous, vous savez ce que vous avez répondu? Non. Vous savez pas? Si, j'ai répondu non. Exactement! Et là, sans déconner... On en a gros. Écoutez, je vous fais mes excuses. Voilà, bonne nuit. Non. Ça serait trop facile. Un peu fort, mon bon seigneur. De toute façon, comment est-ce que vous voulez que je chante le canon avec vous? Je le connais même pas, ce canon. Non, mais vous vous foutez pas de nous? Ça fait 150 fois que vous nous entendez le chanter! Vous nous prenez vraiment pour des cons! On en a gros. Bon, bah, je vous fais mes excuses, et la prochaine fois, je chanterai avec vous, ça vous va? Ouais. La prochaine fois, vous êtes sûr? Moi, je crois plutôt que la prochaine fois, vous nous enverrez chier tout pareil. C'est pas vrai? Si. Ah. On en a gros. L'amour étant enfant de raison et la fleur fille du poète. L'amour étant enfant de raison et la fleur fille du poète. Le berger étant enfant de raison et la bergère dans ses dons. Digue don don, digue don don, digue don don, don don. Bravo, Sire, c'était hyper classe. Hey, c'était classe ou pas? Carrément! On en a gros! Ah bah non. Ah non, pardon. Oh! Est-ce qu'il serait partant pour faire un cul de chouette, le petit frère? Allez, une petite partie de dés, ça peut pas nous faire de mal. Vous préférez pas jouer à autre chose? Ah non! Moi, je me sens bien pour un cul de chouette. Vous connaissez pas le jeu du pélican? Eh, j'ai pas besoin de connaître puisqu'on joue à cul de chouette. Je vous l'apprends, c'est hyper facile. Il y en a pour 2 minutes. 2 minutes, vous êtes sûr? Parce que des fois vous dites 2 minutes. Ah non, mais c'est tout con comme jeu. Même un débile il comprendrait. Ah non, mais un débile peut-être, mais moi je sens que je vais rien biter et qu'on va finir par jouer à que dalle parce qu'il sera 3h du matin. On essaye 2 minutes et si c'est trop compliqué, on fait un cul de chouette. Tac. Alors pour commencer, il faudrait 120 ou 130 artichauts. Pas compliqué! Celui qui remporte la donne, il classe ses artichauts du plus lisse au plus râpeux! 50 artichauts du plus lisse au plus râpeux, il y en a pour 15 jours! Je vous ai dit qu'il y avait un tour de troc où on peut fourguer 17% de ses artichauts! Si on rachète la banque, au double des points de son voisin, moi la moitié de ses artichauts! Vous le faites exprès ou quoi? C'est ça quand on fait ritournelle? Déjà, c'est retournelle et pas ritournelle, et vous n'avez pas le droit de le faire tant qu'il y a encore des artichauts dans la banque! Ou alors vous faites une artichette! Ça fait 3 fois que je le dis! Alors là, vous avez gagné la cocotte! Je vais me coucher! Qu'est-ce qu'il y a? Je m'exprime pas correctement, c'est ça? On comprend pas ce que je dis? Vous voulez me faire passer pour un taré? Et vous, pouvez pas me soutenir un peu? Moi, j'y comprends rien. Et faites un effort pour comprendre quand même que je passe pas pour un con à chaque fois.